Merci. Bonjour. Je me propose de vous parler du Vietnam entre 1918 et 1945, d'une modernisation genrée de l'éducation et de la culture. Ce fut donc dans le contexte de la colonisation française qui, chez nous, a duré de 1858 à 1945, que s'est opérée une modernisation de l'éducation et de la culture vietnamienne. Je vais essayer d'en parler rapidement. En insistant sur les points suivants. Premièrement, ce qui tranche sur les traditions millénaires du Vietnam, en étant vraiment très, disons, schématique sur ces traditions. Pour la première fois dans l'histoire vietnamienne, l'école, aussi bien coloniale, publique, congréganiste ou privée, donc l'école aussi bien coloniale qu'anticolonialiste, fut ouverte aux filles. Les initiateurs eux-mêmes en mesuraient tout l'enjeu et le défi. Albert Sarraut remarque: beaucoup d'Européens ne m'ont pas compris. Les familles indigènes non plus. Elles appréhendaient que nous inclinions leurs enfants à des idées subversives ou que notre enseignement ne fît des débauchés. À l'initiative des lettrés nationalistes et modernistes vietnamiens, l'école Donkin, qui comptait environ 60-70 élèves, se composait de deux classes, une pour les garçons, une pour les filles. C'était en 1907. Les maîtres et maîtresses étaient le fils et la fille du recteur. Les femmes furent également présentes dans les conférences ouvertes au public externe aux écoles, parce qu'il y avait non seulement l'école de Hanoï, mais aussi une quarantaine d'autres écoles dans le centre Vietnam. Les auditeurs étaient assis d'un côté, les auditrices de l'autre. Principe de la non-touchabilité obligé, les élèves étaient assis derrière les damas. Décrit un auteur qui a écrit sur ce mouvement et qui remarque avec pertinence dès la première édition de son livre en 1956, c'était vraiment très novateur il y a un demi-siècle qu'il y ait eu comme cela de telles réunions où côtoyaient hommes et femmes. C'était d'autant plus novateur qu'il s'agissait de réunions patriotes de la part des lettrés confucianistes, même s'ils sont modernistes. Cette école ne survit pas plus de 9 mois, mais elle laissa une marque profonde sur plus d'une génération d'hommes et de femmes. De la part des autorités coloniales, si la mise en place de l'enseignement franco-indigène sur le modèle de l'école publique française date de 1879 en Cochinchine et de 1886 à Hanoï, l'instruction des filles fut dès le début une question controversée. Quelques représentants haut placés de l'autorité coloniale en la matière la considéraient, l'éducation des filles, comme simple perte de temps et d'argent. Mais d'autres avis des Vietnamiens et des Français sur place étaient plus favorables. Donc je vous ai cité ici quelques-uns de ces commentaires. Je n'ai pas pu identifier le nom de ces personnes, mais c'était des Vietnamiens, un professeur du collège d'Atran. Instruire la femme annamite, j'entends déjà des clameurs. Vous voulez donc répandre la prostitution et de remarquer, la prostitution ne se développe pas nécessairement avec un peu d'instruction d'abord. Il y a aussi les avis. Ponchon était un administrateur, un chef de province dans le delta du Mékong, un Français donc. Un directeur vietnamien d'une école de SADEC dans le delta du Mékong. Et surtout, cet avis de poids de Petruski, qui était un lettré catholique et très influent et considéré comme un savant vietnamien de l'époque. Donc, ce débat nous confirme, si besoin est, que la modernisation de l'éducation, notamment en ouvrant celle-ci à la participation féminine, n'était pas, dans le contexte vietnamien, une intrusion tout à fait exogène, mais qu'elle était fortement soutenue par des acteurs sur place, aussi bien français que vietnamiens. Au stade de maturité de l'entreprise éducative publique, c'est-à-dire dans les années 1941-42, alors que les progrès enregistrés dans l'enseignement primaire franco-indigène et la progression du cycle secondaire étaient considérés comme les deux faits majeurs du panorama, la proportion des filles sur l'effectif total au niveau national était dans le tableau que je vous présente ici. La proportion des filles sur l'effectif total au niveau national est de l'ordre de 17%, j'arrondis, et un peu plus de 25% en Cochinchine, où elle est la plus élevée. Et dans l'école primaire supérieure, c'est le niveau où il y a le plus grand nombre d'élèves, aussi bien d'élèves garçons que filles. La proportion est aussi de l'ordre de 18% et 24% en Cochinchine. Mais dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les trois dernières classes l'enseignement secondaire qui débouchent sur le baccalauréat local, il n'y a que moins de 5%. Ce qui revient à dire que le niveau de la majorité des jeunes filles instruites était celui du primaire supérieur et que leur proportion n'a jamais dépassé un quart de la jeunesse scolarisée, même dans le pays le plus avancé en la matière, c'est-à-dire la Cochinchine. La situation d'ensemble de la scolarisation au Vietnam n'était cependant pas jugée désastreuse au point de vue quantitatif. La progression du taux de fréquentation scolaire était constante de 18 pour 1000 au début des années 30 jusqu'à 26 pour 1000 en 1940 et 30 pour 1000 en 1942. Le taux le plus élevé étant toujours celui de la Cochinchine qui augmente de 35 pour 1000 à 39 pour 1000. Le taux de dépenses consacrées à l'enseignement s'élève en 1942 à 12 pour 1000, excusez-moi, à 12% du budget total pour la première fois dans l'histoire de la colonie, ce qui constitue quand même un effort gigantesque dans un pays à l'époque en état de guerre et de crise. L'université indochinoise, le bilan qualitatif que vous avez dans mon slide, c'est celui de Pierre Procheux. L'université indochinoise créée à l'origine en 1907, justement pour contrecarrer ce projet des modernistes vietnamiens, et fermée immédiatement en janvier 1908. C'était donc un leurre politique, mais elle fut réorganisée en 1917 et l'école de médecine devient une faculté de plein exercice en 1928. L'interruption de la communication avec la métropole à cause de la Seconde Guerre mondiale en accélère la diversification des programmes enseignés et du recrutement. Le nombre d'étudiants triple de 457 en 38-39 à 1575 en 43-44. Tout cet édifice éducatif du primaire à l'enseignement supérieur, en fait plus professionnel que scientifique, n'en parvenait pas moins à la formation d'une élite. Même si cette élite est culturellement tronquée, même si elle est longtemps exclue non seulement des fonctions de commandement et d'organisation, mais aussi de la production du savoir théorique et surtout du savoir scientifique auquel n'est possible d'accéder qu'en métropole, même si elle est idéologiquement sous surveillance et par avance suspecte, ce n'en fut pas moins une élite, parfois accusée de souple déchine et de peu digne d'estime. Par les membres même les plus dynamiques en son sein, cette élite compte néanmoins d'hommes et de femmes qui se sont investis dans de multiples activités socioculturelles et politiques, à la fois modernistes, réformistes et anticolonialistes, jusque dans ses formes de lutte les plus radicales. Donc la présence féminine, non pas majoritaire certes, mais non plus exceptionnelle comme par le passé précolonial, la présence féminine dans l'élite intellectuelle de la première moitié du XXe siècle fut une nouveauté qui trancha sur les traditions millénaires du Vietnam. Je vais maintenant parler un peu des femmes et du genre dans les nouvelles activités culturelles. La colonisation a rendu possible... ici, je vous dis que les études des élèves vietnamiens en général, mais surtout des élèves filles, ne sont souvent pas menées à terme. C'est dans l'optique de l'édifice éducatif dans son ensemble et l'optique un peu présent. C'est-à-dire si on pense que l'enseignement doit arriver jusqu'à l'université ou au moins jusqu'au baccalauréat local. Mais en fait, le DEPSI, c'est-à-dire le diplôme d'études primaires supérieures franco-indigènes, en vietnamien s'appelait Thanh Chung, ce qui veut dire réussite finale. Donc on pensait quand même que mener ces études jusqu'à ce niveau-là était considéré comme une réussite finale. Donc, la colonisation a rendu possible et accessible aux femmes des activités culturelles comme la création littéraire et politique, la presse, l'édition, etc. Il faudrait cependant garder à l'esprit que ces activités servaient plus ou moins directement l'objectif politique majeur de lutte anticolonialiste, tout en plaidant en faveur de la modernisation. et en faisant la promotion des nouvelles valeurs provenant de la culture occidentale. La première organisation féminine et féministe au Vietnam a vu le jour assez contradictoirement dans la ville de Hue, cité impériale. Dam Phung, qui est le nom de plume de la petite fille de l'empereur Minh Mạng, elle est chargée de l'enseignement et de la formation des dames du palais impérial, donc elle est mandarin elle-même, fils et épouse de mandarin, mais elle était en même temps une figure de proue du féminisme vietnamien. C'est elle qui a initié, par exemple, une polémique sur les élèves du collège Dong Khan. C'est elle qui souligne et qui renforce la nouveauté des enseignements de couture, de travaux ménagers dans l'association qu'elle a créée, qui est considérée à juste titre comme l'association féministe la plus précoce du Vietnam, 1926. Le deuxième fait majeur du féminisme vietnamien, je citerai cette revue qui a été éditée entre 1929 et 1934. Ceci est le commentaire d'un historien d'aujourd'hui qui le premier a découvert l'importance de cette revue. Donc, c'était une revue qui évite d'aborder de front les questions politiques, parce que c'était quand même les débuts des années 30, la terreur blanche dans l'ensemble de l'Indochine. Mais justement, elle s'est assignée la mission de faire parvenir au public des informations plus ou moins voilées sur les insurgés, aussi bien nationalistes que communistes. Et la modernisation dans Gazette des femmes était affirmée comme indispensable en vue d'un meilleur avenir pour les Vietnamiennes et d'une dignité nationale à laquelle cette revue se montrait aussi sensible qu'elle était plus explicitement à la cause féminine et féministe. L'un des premiers numéros de cette revue, ils ont posé la question « Les femmes étaient-elles concernées par la politique et devaient-elles y participer ?» Elle répond non. Pourquoi non et comment non? L'auteur anonyme prétendait que les Vietnamiennes n'étaient pas encore éduquées à la politique, mais s'empresse d'ajouter aussitôt, même les hommes l'étaient si peu qu'ils persévéraient rarement à la plupart des hommes politiques, La plupart des hommes politiques abandonnaient en cours de route. Et certains s'abaissaient même jusqu'à supplier leurs ennemis. Il leur manquait donc la qualité fondamentale pour être homme, la qualité fondamentale pour agir. Il faudrait les éduquer beaucoup encore. Et le rôle important pour éduquer ces hommes en revenait aux femmes. Donc c'était une manière pour les femmes modernistes et féministes vietnamiennes d'affirmer l'importance du rôle social politique des femmes, tout en assignant en apparence une fonction secondaire et apolitique, pour éviter de se mettre à dos répression coloniale et tradition confucéenne. Dans cette présence des femmes, on peut assister à une évolution très évidente dans les rapports de genre, aussi bien dans l'action que dans la théorisation. La voix féminine et féministe s'éleva tout d'abord à travers la presse, encore un acquis de la colonisation. La première revue féminine, qu'on peut aussi qualifier dans une certaine mesure de féministe, s'intitule « Son de cloche du genre féminin ». J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucune difficulté de traduire en vietnamien certains concepts, par exemple celui de genre, qui a été utilisé donc dès 1918 dans cette revue intitulée « Son de cloche du genre féminin ». C'est une revue qui n'a pas duré plus d'un an. Mais d'après un spécialiste vietnamien de l'histoire de la presse, il a considéré que, à l'avis d'un certain nombre de lectrices, cette revue a apporté plus ou moins de nouveaux changements dans la vie intellectuelle et matérielle des Vietnamiennes, depuis toujours enfermées dans les principes rigides de Confucius et de Mencius. Donc, je pense qu'on ne saurait assez insister sur ce rôle particulier que joua dans les années 1929-36 la presse féminine et féministe. Dans chacun des pays vietnamiens, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, il y a, chaque pays a au moins un, et en Cochinchine, il y en avait deux, de revues féministes de ce genre. Une autre forme d'activité, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, l'association éducative professionnelle pour les femmes. Et le concept utilisé dans cette association est le concept de neukong. Kong, ça veut dire travail manuel. C'est l'un des quatre vertus confucéennes de la femme. Et c'est même la première des vertus confucéennes. Et le travail manuel ménager, qui est le contenu de ce concept, est transformé en une sorte de... le concept a été en quelque sorte modernisé. Et l'idée de Dame Fung, la fondatrice, était de créer une organisation d'éducation professionnelle des femmes, ce qui manquait dans le système éducatif colonial. C'est très habile de leur part de faire cette remarque, parce que l'enseignement professionnel concernait 25% d'élèves filles sur l'effectif total en Cochinchine, 5% au Tonkin et 0% en Annam. Donc c'était un prétexte pour Dame Fung de dire que c'était un dispositif qui manquait dans le système éducatif colonial. Donc, elle s'en servait comme un lieu de rencontre où les femmes viendraient discuter des droits et des devoirs de leur genre. Encore une fois, le mot vietnamien utilisé était yeu, qui traduit parfaitement genre. Qui servait en même temps de tribune où les droits et intérêts légitimes des femmes seraient défendus. Voici quelques citations de Dame Fung pour voir sa pensée. Dans cette citation, elle justifie pourquoi il faut mettre l'accent sur l'éducation des filles et que la modernisation doit être genrée. Enfin, c'est mon expression, mais l'idée était déjà dans ce qu'elle avait exprimé. Elle s'insurgeait aussi très catégoriquement, avec beaucoup de détermination, contre l'inégalité et l'oppression de genre. Il faut savoir qu'elle est de famille mandarinale, qu'elle est d'éducation traditionnelle et que les femmes de Hue étaient éduquées pour parler de manière très modérée et polie. Donc, quand elle insiste que si on ne parvient pas à résoudre le problème de l'éducation féminine, c'est à cause de ces gens qui s'obstinent dans leurs idées préconçues, qui critiquent sans réfléchir. Et si cet esprit perdure, c'est parce que l'oppression n'est pas encore anéantie dans leur sang. Alors, cela était très violent pour l'époque. Voici comment elle... l'explique le lien qu'elle ressent très clairement entre droits des femmes et droits de l'homme. Encore une fois, si on passe du français au vietnamien, en français on dit droits de l'homme, mais en vietnamien on dit droits de la personne humaine. Donc le mot ngoi en vietnamien n'est pas homme, n'est pas masculin, il est neutre, donc il concerne aussi bien l'homme que la femme. Ceci est extrait du discours d'inauguration de cette association. Et je tiens à souligner que même si c'était un discours d'inauguration, il n'a été reproduit textuellement et dans son état originel que dans une édition très récente des œuvres de Dame Fung qui date de 2010. Une autre féministe que les contemporains considéraient comme complètement européanisée était une ancienne collégienne du Collège des jeunes filles indigènes de Saigon, qui s'appelle Nguyen Thi Kim, et qui est décédée en France en 2005. Donc elle était à la fois journaliste, poétesse, etc. Elle était considérée par l'époque comme une femme de lettres talentueuse et téméraire. Et ce, parce que non seulement elle était celle qui a la première défendu la nouvelle poésie vietnamienne, mais aussi qui a fait une série de conférences du sud au nord, en passant par Hue et plusieurs autres villes du nord, en 1934, c'est-à-dire quand elle avait exactement 20 ans, père marié, faisait des conférences sur des publics de milliers de personnes sur des sujets aussi brûlants que est-ce qu'il ne faut pas combattre le mariage arrangé, est-ce qu'il ne faut pas promouvoir le mariage libre, etc., etc. Voici la définition de Kim du féminisme et des féministes. Ceci aussi était prononcé dans une de ses conférences. Que conclure sur... avant de conclure, j'aimerais aussi évoquer deux figures de militantes communistes qui ont deux profils très différents, mais qui, toutes les deux, mériteraient le qualificatif de féministe. Il s'agit d'une part de Minty Minkai, qui est l'une des leaders communistes les plus connues et qui est la femme qui a accédé au rang le plus élevé dans le Parti communiste, y compris jusqu'à nos jours. Donc elle, née en 1910, était originaire d'une famille aisée de fonctionnaires et élève d'un collège privé dans sa ville natale. Elle a été d'abord initiée au nationalisme révolutionnaire dans la mouvance des membres du Thanh Việt, c'est-à-dire Parti du Vietnam Nouveau, qui est créé en Annam par des intellectuels, pour la plupart enseignants de collège, hommes et femmes d'ailleurs. Avant de quitter sa famille en mars 1930 pour s'engager dans le militantisme professionnel communisant. L'autre, c'est Nguyễn Trung Nguyệt, né en 1908, qui n'a appris le Quốc ngữ, c'est-à-dire l'écriture vietnamienne romanisée, qu'à l'âge de 10 ans, ensemble avec les petits gardiens de buffles de son village, et ensuite les caractères chinois avec son grand-père lettré. C'est du fin fond des campagnes qu'elle arriva à Saigon de sa propre initiative et de là embarqua pour la Chine pour suivre une formation révolutionnaire. Donc deux militantes communistes aussi différentes que c'est l'une de l'autre que ces deux noms que j'ai cités, mais je pense que essentiellement grâce à leur expérience internationale, elle se démarquait par des idées modernistes et féministes qui étaient quand même assez divergentes, pour ne pas dire peu orthodoxes, par rapport au communisme de l'époque. En conclusion, je pense qu'il était indéniable que l'éducation, celle des filles en particulier, même si elle était loin de répondre suffisamment à l'aspiration studieuse de la population et aux besoins de développement du Vietnam, c'est l'éducation des filles qui fut à l'origine du progrès social, du modernisme vietnamien en général, de la conscience de genre et du féminisme en particulier. Il est cependant important de noter aussi que ce ne fut pas seulement à l'éducation, si importante et bénéfique fut-elle, qu'on pouvait rendre hommage pour ses résultats. Les jeunes filles simplement formées à l'école coloniale, voire française, ne seraient pas allées plus loin que de devenir des femmes modernes au sens où elles étaient instruites et partageaient dans une certaine mesure les valeurs culturelles occidentales, d'ailleurs pour le meilleur et pour le pire. Dans les années 1918-1945, pour des raisons historiques, politiques et socioculturelles que j'ai évoquées très brièvement, il y a un bon nombre d'hommes de l'école classique comme moderne qui ont apporté leur contribution au modernisme anticolonialiste et aussi au féminisme dans le sens de la lutte pour une meilleure équité de genre. Donc, de la même manière que la pensée et l'action anticolonialiste, le modernisme et le féminisme vietnamien n'ont pas d'origine que exogène. Ce qui a fait leur vitalité, leur créativité, c'était la circulation des idées, le dialogue, même si ce dialogue est souvent conflictuel ou frustrant à cause du rapport de domination, mais qui n'en demeurait pas moins dialogue et débat des cultures, et surtout dans la mesure où les Vietnamiens et Vietnamiennes refusaient de se taire et de se soumettre. Merci.